Chapitre 9e. Horrible nouvelle du rancho. La diversion causée par l'irruption des pâtres sauva la vie de Damon Reeves. Au bruit de leur voix, Ralph Duncan abaissa son arme et fit un grand saut de côté qui le porta juste derrière Buffalo Bill. « Vous restez de mon bord, monsieur, car je vous assure que c'est un infâme mensonge pour me perdre. »« Je vous crois, mon garçon. Je reste de votre bord, » dit simplement le scout. « Filons alors, car je dois rencontrer Harper Clyde, qui m'a promis de me faire savoir si le juge Dennison est réellement mort ou non. Allez, je protège votre retraite. Mais dites-moi où vous rejoindre. Je ne veux pas fuir et vous laisser battre pour moi. Il n'y aura pas de bataille. Faites ce que je vous dis, et je vous retrouverai dans une demi-heure. » Le ton de Buffalo Bill n'admettait pas de réplique. « Aux chênes solitaires, droit à l'est du sentier du rancho Dennison, j'y serai. Et j'irai. » Ralph Duncan sortait par la fenêtre du cabinet, juste au moment où on rallumait les lampes et où les cow-boys se précipitaient pour le saisir. « Arrière, les hommes !» cria Cody. « Où est le boy ? Parti ! Allez le chercher !»« Nous l'aurons ou nous vous prendrons, vous, la corde est prête. Moi aussi. » « Arrêtez, les gars ! C'est un officier du gouvernement, Buffalo Bill, le grand scout de l'armée !» cria Tom Lane. Les hommes firent une pause. Le nom coupait court à leur désir de le tuer. Le sourire aux lèvres, Buffalo Bill passa devant eux et sortit de la salle. Quelques minutes après, il était à cheval et courait derrière Ralph, qui l'eut bientôt rejoint. « Maintenant, mon jeune parde, je me mets dans l'affaire pour vous en voir sortir les brainettes, car je ne vous crois pas coupable, » dit le scout tout en galopant. « Et vous êtes Buffalo Bill, William F. Cody ?» fit Ralph, la respiration suspendue. « Je suis Cody, l'éclaireur militaire connu sous le nom de Buffalo Bill. J'aurais dû en être sûr, par le fait seul que vous avez osé prendre mon parti avec les apparences et les chances contre moi. » « Je l'ai fait parce que votre visage ne ment pas, ou je suis un homme sans jugement. Mais puisque j'irai jusqu'au bout de l'aventure, je voudrais savoir votre histoire. Dites-la-moi donc, sans rien me cacher. Nous avons à fournir une rude course, si je ne me trompe, mais je sais ce que peut mon cheval. Le mien est bon aussi, il n'en est guère de meilleur. » Chacun connaissait en effet les capacités de sa monture et savait qu'elle aurait encore une réserve de vitesse et d'endurance, quelque pénible et épuisant que pût être le trajet pour des animaux inférieurs. Ils s'enfonçaient ainsi dans la nuit, toujours plus avant, et Ralph Duncan racontait à son camarade les événements de l'après-midi. « J'ai au cœur le pressentiment, monsieur, qu'il y a dans tout ceci plus que je n'y ai vu. La balle qui a touché Tom Dennison n'est jamais sortie d'un fusil ou d'un pistolet à moi, et je crois qu'elle a été tirée soit par Damon Reeves, soit par le Mexicain, qui avait voulu se faire la main sur moi. Je suis à peu près sûr que le gredin avait en train quelques machinations scélérates, qui devait être favorisé par l'éloignement de Harper Clyde ce soir. J'ai dit à celui-ci ce que j'avais vu et ce que je soupçonnais, et je l'ai envoyé au rancho pendant que je prenais sa place. Ça n'a pas été commode de le convaincre, mais il a fini par y aller. Vous êtes un trésor. Tout de même, Reeves vous poussait ferme. Il vous avait mis au bout de votre rouleau. Mais est-ce que je n'ai pas gagné à la fin? Je me suis trouvé dans de trop mauvais pas pour faire désormais vapeur en arrière. Ma chance me fera passer partout, jusqu'à ce que le temps vienne de plier bagages, et alors tous les lâchages du monde ne me sauveraient pas. Mais ce qui est passé, passé. Ce que je voudrais considérer, c'est l'avenir. Ne vous inquiétez pas de l'avenir avant que nous ayons vu sous quelle forme il va se présenter. Veillez seulement à ce que vos amis les pâtres ne vous mettent pas une corde autour du cou. Et pour cela, il faut trouver qui a tiré sur Dennison et le prouver. Je tâcherai. Et entre nous, ce sera bien le diable, si nous ne parvenons pas à prendre de l'avance sur ce pirate de terre ferme, ce Damon Reeves, et sur la bande que je crois qu'il a derrière lui. Que fait-il? Il joue. Je ne crois vraiment pas qu'il fasse autre chose. Je sais qu'il rôde autour du rancho beaucoup plus qu'il ne serait bon pour la maison. Mais comme occupation, ça ne compte pas. De temps en temps, il disparaît pendant une semaine environ et personne ne sait où il est. C'est ça. Nous trouverons. Je suis ici pour un bon bout de temps. Et de ce temps, je peux disposer tout à ma guise. J'entends vous aider jusqu'au bout. Vous avez fait ce qu'il fallait faire ce soir depuis le commencement jusqu'à la fin. Mille remerciements, mon bon ami. Avant que le matin pointe, nous en saurons davantage. » L'espoir vibrait dans son accent. Hélas, il ne se doutait guère de la vérité. Avant le matin, en effet, il en savait davantage, mais la nouvelle était telle que ses joues avaient pâli, et quand ses nerfs avaient couru un frisson qu'il ne ressentait pas lorsqu'il était debout devant le canon du revolver de Damon Reeves. Pendant qu'ils parlaient, ils entendirent un cavalier qui se rapprochait, et bientôt ils aperçurent la silhouette d'une figure humaine se détachant en noir sur l'obscurité grise qui s'étendait devant eux. « Écoutez, » dit Ralph, « quelqu'un vient là-bas. Qui pourrait bien être Harper Clyde? Si c'est lui, il nous donnera des nouvelles. Arrêtons et attendons-le. Autrement, il passera 100 mètres de nous, ou plus. » Ils firent donc halte, laissant ainsi arriver en face d'eux l'homme à cheval qui ne semblait pas remarquer leur présence. Et de fait, il devait y avoir quelque chose d'anormal chez ce cavalier. Il était couché sur sa selle, oscillant à droite et à gauche, comme s'il ne se tenait qu'avec difficulté. Il aurait passé tout droit, si Ralph n'avait couru après lui et saisi brusquement son cheval par la bride. Ce n'est alors qu'il reconnut un des hommes au service du juge Dennison. L'homme sursauta un peu à la halte subite de son Mustang et ses mains tâtonnèrent comme pour chercher les armes qui n'étaient plus dans sa ceinture. À la vue de son visage qu'il relevait, Ralph Duncan, frappé de stupéfaction, s'écria en reculant « Juste ciel ! Kurt Brand, est-ce vous ? Il s'est passé quelque chose de terrible. » « Oui, et c'est ce qui reste de moi. » « Finissez votre œuvre, Ralph Duncan, si vous voulez. Je suis sans armes, mais je n'essaierai pas de me sauver de vous. » « Mon œuvre, Carter Brandt, que dites-vous, je n'ai jamais fait de mal. Quel est le jeu diabolique qui s'est joué ce soir ?»« Un jeu diabolique, en effet. D'abord, Tom Dennison a été expédié. Et puis, quand les hommes ont été partis à votre poursuite, les Comanches sont descendus et ont nettoyé le rancho de la racine aux branches. Il ne reste pas une âme, et je n'en serai jamais sorti sans mon cheval. » « Miséricorde. Et Madge. Et sa mère. Cherchez-les sur la vaste plaine, si leurs cadavres ne gisent pas le long du chemin. Bill Gurty et moi, nous explorions le terrain pour découvrir vos traces, lorsque nous trouvâmes des indices d'Indiens que nous suivîmes jusqu'au rancho, où nous nous trouvâmes en plein au milieu des diables avant de le savoir. Nous essayâmes de couper à travers. Moi, je suis ici, mais Bill est resté. J'ai entrevu Madge et un couple d'autres prisonniers. Et pour le moment, ils n'ont pas trop de mal. Mais vous savez ce que c'est pour une fille blanche comme Madge. Il vaudrait mieux être morte. Et elle se tuera. J'ai touché 2 ou 3 de ces maudits rouges. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il reste bien 2 ou 3 douzaines. » Carter Brand raconta son histoire lentement, en une sorte de chuchotement rauque, tandis que Ralph Duncan et Buffalo Bill écoutaient, trop intéressés, trop terrifiés, pour parler avant d'avoir tout appris. Quand il eut fini, il jeta autour de lui un regard de défiance mêlé d'horreur. Ralph Duncan leva la main. « Carter Brand, » dit-il, « il se peut que je ne réussisse pas à vous convaincre, mais je jure ici, devant Dieu, mon témoin, que ce ne fut jamais ma main qui tira sur Tom Dennison. Pour moi, sa vie était sacrée. Pour la protéger, j'aurais volontiers risqué, oui certes, et perdu la mienne. Je vois là un profond et infernal complot, où d'autres ont trempé que les diables Comanches. Ceux-ci peuvent être les instruments, mais il y en a d'autres qui font jouer les ressorts. Ce n'est pas dans la hutte d'un chef de démons rouges que doit aller Madge Dennison. Elle a été enlevée par un homme dont le visage est blanc, mais dont le cœur est noir. Mais je jure qu'il sera déjoué. Mon pard, ici présent, et moi, nous prenons à l'instant le sentier de la guerre. Vous galopez jusqu'à ce que vous rencontriez Bordoban et le reste des pâtres. Dites-leur l'histoire. Faites-leur savoir que je suis la piste et demandez-leur, pour l'amour de Dieu, de ne pas se jeter à la traverse et de ne pas me gêner avant que la chose soit réglée. Je me livrerai alors de ma propre volonté et je leur montrerai que je suis innocent du crime dont ils m'accusent. Allez, et assemblez les secours que vous pourrez. Nous laisserons des signes pour vous, de sorte que vous n'aurez pas de peine à nous suivre à la trace. Allons maintenant, et que le ciel vous conserve le courage jusqu'à ce que vous trouviez quelqu'un à qui raconter votre histoire. Prenez tout ça comme l'exacte vérité, camarade. Nous ferons ce que nous disons, Ralph et moi. Laissez-moi vous remonter un peu avant de partir, et puis courez à toute vitesse pour avoir du secours. Dites que c'est Buffalo Bill et son jeune pard qui relèvent la piste. » Tout en parlant, le scout poussait son cheval à côté de Carter Brand, et après un examen rapide, il lui bandait grossièrement le bras, la tête et la jambe. Cela prit quelque temps, mais les chevaux en profitèrent pour souffler et se préparer à la tâche ardue dont ils avaient à s'acquitter. « Un moment, » dit Ralph, comme ils allaient se séparer. « Savez-vous quelque chose de Harper Clyde? Est-il parmi les massacrés? Je l'ai prévenu qu'il se brassait quelque sale affaire, sans deviner quelle forme elle prendrait. Et je l'ai envoyé au rancho pour voir si tout allait bien, et pour les mettre sur leur garde. Ça se peut. J'ai vu un homme au loin sur la prairie, à cheval, mais j'ai pensé que c'était un de la bande, et je me suis tenu au large. Si j'avais su. Mais je ne pouvais pas savoir. Je ne savais rien. Sinon que je me trouvais tout seul sur la plaine, galopant pour sauver ma vie. « Allez maintenant, nous prenons l'affaire en main, » dit Cody. Ils le mirent sur sa route, avec quelques mots de dernier avis, et eux, après avoir resserré les sangles de leurs chevaux et bien examiné leurs armes, ils partirent pour leur mission de secours et de délivrance, se dirigeant d'abord par le plus court vers le rancho dévasté, qui n'était éloigné que de quelques milles. Peut-être l'atteindraient-ils avant que le parti des pillards en eût quitté le voisinage.